La la la la la la la la la yeah yeah na na na na na na na la na na na na yeah yeah Lance tes rayons que je grimpe à ton plafond. Désolé pour les nuages d'en bas, je guette leur passage. Mais tout petit que je suis sur cette planète dans l'infini, dessus j'ai beau souffler, je les vois pas bouger. Je te promets pas la lune, mais demain je resserrerai. Yeah, yeah, yeah, na, na. Na na na na. Je crois bien que c'est mérité. J'en ai passé des journées à éviter les gouttes de pluie en espérant une éclaircie. Je demande pas un soleil de plomb, mais seulement quelques rayons. Je me fous d'être bronzé, moi j'en veux pas qu'à tes UV. Allez mon ami, mon étoile, je vois ta tête et tous tes bras. En bas c'est triste et je me les caille, même que j'ai froid au bout des doigts. Allez mon ami, mon étoile, je vois ta tête et tous tes bras. En bas c'est triste et je me les caille, même que j'ai froid au bout des doigts. Et même si t'es pas là, crois-moi, je t'en voudrais pas. De façon, c'est toi qui vois le temps. Ça se décide pas, mais tourner vers l'Occident, j'imaginerai le soleil couchant. Et comme un bon copain, je te dirai bonne nuit et à demain. Allez mon ami, mon étoile, je vois ta tête et tous tes bras. En bas c'est triste et je me les caille, même que j'ai froid au bout des doigts. Allez mon ami, mon étoile, je vois ta tête et tous tes bras. En bas c'est triste et je me les caille, même que j'ai froid au bout des doigts.